D'autre part étaient les alliés, fédérati ou soci. Ils étaient moins maltraités. Le jour où ils étaient entrés dans la domination romaine, il avait été stipulé qu'ils conserveraient leur régime municipal et resteraient organisés en cité. Ils continuaient donc à avoir, dans chaque ville, une constitution propre des magistratures, un sénat, un prytané, des lois, des juges. La ville était réputée indépendante et semblait n'avoir d'autres relations avec Rome que celle d'une alliée avec son allié. Toutefois, dans les termes du traité, qui avait été rédigé au moment de la conquête, Rome avait inséré cette formule « Majestatem populi Romani comiter conservato ». Ces mots établissaient la dépendance de la cité alliée à l'égard de la cité maîtresse, et comme ils étaient très vagues, il en résultait que la mesure de cette dépendance était toujours au gré du plus fort. Ces villes qu'on appelait libres recevaient des ordres de Rome, obéissaient aux proconsuls et payaient des impôts aux publicains. Leurs magistrats rendaient leurs comptes au gouverneur de la province, qui recevait aussi les appels de leurs juges. Or, telle était la nature du régime municipal chez les anciens qu'il lui fallait une indépendance complète ou qu'il cessait d'être. Entre le maintien des institutions de la cité et la subordination à un pouvoir étranger, il y avait une contradiction qui n'apparaît peut-être pas clairement aux yeux des modernes, mais qui devait frapper tous les hommes de cette époque. La liberté municipale et l'empire de Rome étaient inconciliables. La première ne pouvait être qu'une apparence, qu'un mensonge, qu'un amusement bon à occuper les hommes. Chacune de ces villes envoyait presque chaque année une députation à Rome, et ses affaires les plus intimes et les plus minutieuses étaient réglées dans le Sénat. Elles avaient encore leurs magistrats municipaux, archontes et stratèges, librement élus par elles. Mais l'archonte n'avait plus d'autre attribution que d'inscrire son nom sur les registres publics pour marquer l'année, et le stratège, autrefois chef de l'armée et de l'État, n'avait plus que le soin de la voirie et l'inspection des marchés. Les institutions municipales périssaient donc aussi bien chez les peuples qu'on appelait alliés que chez ceux qu'on appelait sujets. Il y avait seulement cette différence que les premiers en gardaient encore les formes extérieures. À vrai dire, la cité, telle que l'Antiquité l'avait conçue, ne se voyait plus nulle part, si ce n'était dans les murs de Rome. D'ailleurs, Rome, en détruisant partout le régime de la cité, ne mettait rien à la place. Au peuple à qui elle enlevait leurs institutions, elle ne donnait pas les siennes en échange. Elle ne songeait même pas à créer des institutions nouvelles qui fussent à leur usage. Elle ne fit jamais une constitution pour les peuples de son empire et ne sut pas établir des règles fixes pour les gouverner. L'autorité même qu'elle exerçait sur eux n'avait rien de régulier. Comme ils ne faisaient pas partie de son état, de sa cité, elle n'avait sur eux aucune action légale. Ses sujets étaient pour elle des étrangers. Aussi avait-elle vis-à-vis d'eux ce pouvoir irrégulier et illimité que l'ancien droit municipal laissait aux citoyens à l'égard de l'étranger ou de l'ennemi. C'est sur ce principe que se régla longtemps l'administration romaine, et voici comment elle procédait. Rome envoyait un de ses citoyens dans un pays. Elle faisait de ce pays la province de cet homme, c'est-à-dire sa charge, son soin propre, son affaire personnelle. C'était le sens du mot « provincia ». En même temps, elle conférait à ce citoyen l'impérium. Cela signifiait qu'elle se dessaisissait en sa faveur pour un temps déterminé de la souveraineté qu'elle possédait sur le pays. Dès lors, ce citoyen représentait en sa personne tous les droits de la République, et à ce titre, il était un maître absolu. Il fixait le chiffre de l'impôt, il exerçait le pouvoir militaire, il rendait la justice. Ses rapports avec les sujets ou les alliés n'étaient réglés par aucune constitution. Quand il siégeait sur son tribunal, il jugeait suivant sa seule volonté. Aucune loi ne pouvait s'imposer à lui, ni la loi des provinciaux, puisqu'il était romain, ni la loi romaine, puisqu'il jugeait des provinciaux. Pour qu'il y eût des lois entre lui et ses administrés, il fallait qu'il les eût faites lui-même, car lui seul pouvait se lier. Aussi l'impérium dont il était revêtu comprenait-il la puissance législative. De là vient que les gouverneurs eurent le droit et contractèrent l'habitude de publier, à leur entrée dans la province, un code de loi qu'ils appelaient leur édit, et auquel ils s'engageaient moralement à se conformer. Mais comme les gouverneurs changeaient tous les ans, ces codes changèrent aussi chaque année, par la raison que la loi n'avait sa source que dans la volonté de l'homme, momentanément revêtu de l'impérium. Ce principe était si rigoureusement appliqué que lorsqu'un jugement avait été prononcé par le gouverneur, mais n'avait pas été entièrement exécuté au moment de son départ de la province, l'arrivée du successeur annulait de plein droit ce jugement, et la procédure était à recommencer. Telle était l'omnipotence du gouverneur. Il était la loi vivante. Quant à invoquer la justice romaine contre ses violences ou ses crimes, les provinciaux ne le pouvaient que s'ils trouvaient un citoyen romain qui voulut leur servir de patron. Car de même, ils n'avaient pas le droit d'alléguer la loi de la cité, ni de s'adresser à ses tribunaux. Ils étaient des étrangers. La langue juridique et officielle les appelait « pérégrini ». Tout ce que la loi disait du hostis continuait à s'appliquer à eux. La situation légale des habitants de l'Empire apparaît clairement dans les écrits des jurisconsultes romains. On y voit que les peuples sont considérés comme n'ayant plus leur roi propre et n'ayant pas encore les lois romaines. Pour eux, le droit n'existe donc en aucune façon. Aux yeux du jurisconsulte romain, le provincial n'est ni mari ni père, c'est-à-dire que la loi ne lui reconnaît ni la puissance maritale ni l'autorité paternelle. La propriété n'existe pas pour lui. Il y a même une double impossibilité à ce qu'il soit propriétaire. Impossibilité à cause de sa condition personnelle, parce qu'il n'est pas citoyen romain. Impossibilité à cause de la condition de sa terre, parce qu'elle n'est pas terre romaine, et que la loi n'admet le droit de propriété complète que dans les limites de la guerre romanus. Aussi les jurisconsultes enseignent-ils que le seul provincial n'est jamais propriété privée, et que les hommes ne peuvent en avoir que la possession et l'usufruit. Or, ce qu'ils disent au second siècle de notre ère du sol provincial avait été également vrai du sol italien avant le jour où l'Italie avait obtenu le droit de cité romaine, comme nous le verrons tout à l'heure. Il est donc avéré que les peuples, à mesure qu'ils entraient dans l'Empire romain, perdaient leur religion municipale, leur gouvernement, leurs droits privés. On peut bien croire que Rome adoucissait dans la pratique ce que la suggestion avait de destructif. Aussi voit-on bien que, si la loi romaine ne reconnaissait pas au sujet l'autorité paternelle, encore laissait-on cette autorité subsister dans les mœurs. Si on ne permettait pas à un tel homme de se dire propriétaire du sol, encore lui en laissait-on la possession. Il cultivait sa terre, la vendait, la léguait. On ne disait jamais que cette terre fût sienne, mais on disait qu'elle était comme sienne, pro suo. Elle n'était pas sa propriété, dominium, mais elle était dans ses biens, in bonis. Rome imaginait aussi au profit du sujet une foule de détours et d'artifices de langage. Assurément, le génie romain, si ses traditions municipales l'empêchaient de faire des lois pour les vaincus, ne pouvait pourtant pas souffrir que la société tombât en dissolution. En principe, on les mettait en dehors du droit. En fait, ils vivaient comme s'ils en avaient un. Mais à cela près, et sauf la tolérance du vainqueur, on laissait toutes les institutions des vaincus s'effacer et toutes leurs lois disparaître. L'Empire romain présenta pendant plusieurs générations ce singulier spectacle. Une seule cité restait debout et conservait des institutions et un droit. Tout le reste, c'est-à-dire plus de 100 millions d'âmes, ou n'avait plus aucune espèce de loi, ou du moins n'en avait pas qui fussent reconnues par la cité maîtresse. Le monde alors n'était pas précisément un chaos, mais la force, l'arbitraire, la convention, à défaut de loi et de principe, soutenaient seule la cité. Tel fut l'effet de la conquête romaine sur les peuples qui en devinrent successivement la proie. De la cité, tout tomba. La religion d'abord, puis le gouvernement, et enfin le droit privé. Toutes les institutions municipales, déjà ébranlées depuis longtemps, furent enfin déracinées et anéanties. Mais aucune société régulière, aucun système de gouvernement ne remplaça tout de suite ce qui disparaissait. Il y eut un temps d'arrêt entre le moment où les hommes virent le régime municipal se dissoudre et celui où ils virent naître un autre mode de société. La nation ne succéda pas d'abord à la cité, car l'Empire romain ne ressemblait en aucune manière à une nation. C'était une multitude confuse, où il n'y avait d'ordre vrai qu'en un point central, et où tout le reste n'avait qu'un ordre factice et transitoire, et ne l'avait même qu'au prix de l'obéissance. Les peuples soumis ne parvinrent à se constituer en un corps organisé qu'en conquérant, à leur tour, les droits et les institutions que Rome voulait garder pour elle. Il leur fallut pour cela entrer dans la ville romaine, s'y faire une place, s'y presser, la transformer elle aussi, afin de faire d'eux et de Rome un même corps. Ce fut une œuvre longue et difficile. Cinquièmement, les peuples soumis entrent successivement dans la cité romaine. On vient de voir combien la condition de sujet de Rome était déplorable, et combien le sort du citoyen devait être envié. La vanité n'avait pas seule à souffrir. Il y allait des intérêts les plus réels et les plus chers. qui n'était pas citoyen romain, n'était réputé ni mari ni père. Il ne pouvait être légalement ni propriétaire ni héritier. Telle était la valeur du titre de citoyen romain, que sans lui, on était en dehors du droit, et que par lui on entrait dans la société régulière. Il arriva donc que ce titre devint l'objet des plus vifs désirs des hommes. Le latin, l'italien, le grec, plus tard l'espagnol et le gaulois, aspirèrent à être citoyens romains. Seul moyen d'avoir des droits, et de compter pour quelque chose. Tous, l'un après l'autre, à peu près dans l'ordre où ils étaient entrés dans l'Empire de Rome, travaillèrent à entrer dans la cité antique, et après de longs efforts, y réussirent. Cette lente introduction des peuples dans l'État romain est le dernier acte de la longue histoire de la transformation sociale des anciens. Pour observer ce grand événement dans toutes ses phases successives, il faut le voir commencer au IVe siècle avant notre ère. Le Latium avait été soumis. Des 40 petits peuples qui l'habitaient, Rome en avait exterminé la moitié, en avait dépouillé quelques-uns de leurs terres et avait laissé aux autres le titre d'alliés. En 340, ceux-ci s'aperçurent que l'alliance était toute à leur détriment, qu'il leur fallait obéir en tout, et qu'ils étaient condamnés à prodiguer chaque année leur sang et leur argent pour le seul profit de Rome. Ils se coalisèrent. Leur chef, Annius, formula ainsi leur réclamation dans le Sénat de Rome. « Qu'on nous donne l'égalité, ayons même loi, ne formons avec vous qu'un seul État, una civitas, n'ayons qu'un seul nom, et qu'on nous appelle tous également Romains. » Annius énonçait ainsi, dès l'année 340, le vœu que tous les peuples de l'Empire conçurent l'un après l'autre, et qui ne devait être complètement réalisé qu'après 5 siècles et demi. Alors, une telle pensée était bien nouvelle, bien inattendue. Les Romains la déclarèrent monstrueuse et criminelle. Elle était en effet contraire à la vieille religion et au vieux droit des cités. Le consul Manlius répondit que s'il arrivait qu'une telle proposition fût acceptée, lui, consul, tuerait de sa main le premier latin qui viendrait siéger dans le Sénat. Puis, se tournant vers l'autel, il prit le dieu à témoin, disant « Tu as entendu, ô Jupiter, les paroles impies qui sont sorties de la bouche de cet homme ? Pourras-tu tolérer, ô Dieu, qu'un étranger vienne s'asseoir dans ton temple sacré, comme sénateur, comme consul ?» Manlius exprimait ainsi le vieux sentiment de répulsion qui séparait le citoyen de l'étranger. Il était l'organe de l'antique loi religieuse, qui prescrivait que l'étranger fût détesté des hommes, parce qu'il était maudit des dieux de la cité. Il lui paraissait impossible qu'un latin fût sénateur, parce que le lieu de réunion du Sénat était un temple, et que les dieux romains ne pouvaient pas souffrir dans leur sanctuaire la présence d'un étranger. La guerre s'ensuivit. Les latins vaincus firent dédition, c'est-à-dire livrèrent aux romains leur ville, leur culte, leurs lois, leurs terres. Leur position était cruelle. Un consul dit dans le Sénat que si l'on ne voulait pas que Rome fût entourée d'un vaste désert, il fallait régler le sort des Latins avec quelque clémence. Tite Livre n'explique pas clairement ce qui fut fait. S'il faut l'en croire, on donna aux Latins le droit de cité romaine, mais sans y comprendre dans l'ordre politique le droit de suffrage, ni dans l'ordre civil le droit de mariage. On peut noter en outre que ces nouveaux citoyens n'étaient pas comptés dans le sang. On voit bien que le Sénat trompait les Latins, en leur appliquant le nom de citoyens romains. Ce titre déguisait une véritable suggestion, puisque les hommes qui le portaient avaient les obligations du citoyen, sans en avoir les droits. Cela est si vrai que plusieurs villes latines se révoltèrent pour qu'on leur retirât ce prétendu droit de cité. Une centaine d'années se passent, et sans que Tite Livre nous en avertisse, on reconnaît bien que Rome a changé de politique. La condition de latin ayant droit de cité sans suffrage et sans connubium n'existe plus. Rome leur a repris ce titre de citoyen. Ou plutôt, elle a fait disparaître ce mensonge, et elle s'est décidée à rendre aux différentes villes leur gouvernement municipal, leurs lois, leur magistrature. Mais par un trait de grande habileté, Rome ouvrait une porte qui, si étroite qu'elle fût, permettait aux sujets d'entrer dans la cité romaine. Elle s'accordait que tout latin qui aurait exercé une magistrature dans sa ville natale fût citoyen romain à l'expiration de sa charge. Cette fois, le don du droit de cité était complet et sans réserve. Suffrage, magistrature, sang, mariage, droit privé, tout s'y trouvait. Rome se résignait à partager avec l'étranger sa religion, son gouvernement, ses lois. Seulement, ses faveurs étaient individuelles et s'adressaient, non à des villes entières, mais à quelques hommes dans chacune d'elles. Rome n'admettait dans son sein que ce qu'il y avait de meilleur, de plus riche, de plus considéré dans le Latium. Ce droit de cité devint alors précieux, d'abord parce qu'il était complet, ensuite parce qu'il était un privilège. Par lui, on figurait dans les comices de la ville la plus puissante de l'Italie. On pouvait être consul et commander des légions. Il avait aussi de quoi satisfaire les ambitions plus modestes. Grâce à lui, on pouvait s'allier par mariage à une famille romaine. On pouvait s'établir à Rome et y être propriétaire. On pouvait faire le négoce dans Rome, qui devenait déjà l'une des premières places de commerce du monde. On pouvait entrer dans les compagnies de publicains, c'est-à-dire prendre part aux énormes bénéfices que procurait la perception des impôts ou la spéculation sur les terres de la guerre Publicus. En quelques lieux qu'on habitât, on était protégé très efficacement. On échappait à l'autorité des magistrats municipaux, et on était à l'abri des caprices des magistrats romains eux-mêmes. À être citoyen de Rome, on gagnait honneur, richesse, sécurité. Les Latins se montrèrent donc empressés à rechercher ce titre, et usèrent de toutes sortes de moyens pour l'acquérir. Un jour que Rome voulut se montrer un peu sévère, elle découvrit que 12 000 d'entre eux l'avaient obtenu par fraude. Ordinairement, Rome fermait les yeux, songeant que par là sa population s'augmentait et que les pertes de la guerre étaient réparées. Mais les villes latines souffraient. Leurs plus riches habitants devenaient citoyens romains et le Latium s'appauvrissait. L'impôt dont les plus riches étaient exempts à titre de citoyens romains devenait de plus en plus lourd et le contingent de soldats qu'il fallait fournir à Rome était chaque année plus difficile à compléter. Plus était grand le nombre de ceux qui obtenaient le droit de cité, plus était dure la condition de ceux qui ne l'avaient pas. Il vint un temps où les villes latines demandèrent que ce droit de cité cessât d'être un privilège. Les villes italiennes, qui soumises depuis 2 siècles étaient à peu près dans la même condition que les villes latines, et voyaient aussi leurs plus riches habitants les abandonner pour devenir romains, réclamèrent pour elles ce droit de cité. Le sort des sujets ou des alliés était devenu d'autant moins supportable à cette époque que la démocratie romaine agitait alors la grande question des lois agraires. Or, le principe de toutes ces lois était que ni le sujet ni l'allié ne pouvaient être propriétaires du sol, sauf un acte formel de la cité, et que la plus grande partie des terres italiennes appartenait à la République. Un parti demandait donc que ces terres, qui étaient occupées presque toutes par des Italiens, fussent reprises par l'État et partagées entre les pauvres de Rome. Les Italiens étaient donc menacés d'une ruine générale. Ils sentaient vivement le besoin d'avoir des droits civils, et ils ne pouvaient en avoir qu'en devenant citoyens romains. La guerre qui s'ensuivit fut appelée la guerre sociale. C'étaient les alliés de Rome qui prenaient les armes pour ne plus être alliés et devenir romains. Rome victorieuse fut pourtant contrainte d'accorder ce qu'on lui demandait, et les Italiens reçurent le droit de cité. Assimilés dès lors aux Romains, ils purent voter au forum. Dans la vie privée, ils furent régis par les lois romaines. Leur droit sur le sol fut reconnu, et la terre italienne, à l'égal de la terre romaine, put être possédée en propre. Alors s'établit le jus italicum, qui était le droit, non de la personne italienne, puisque l'italien était devenu romain, mais du sol italique, qui fut susceptible de propriété, comme s'il était ager romanus. À partir de ce temps-là, l'Italie entière forma un seul état. Il restait encore à faire entrer dans l'unité romaine les provinces. Il faut faire une distinction entre les provinces d'Occident et la Grèce. À l'Occident étaient la Gaule et l'Espagne, qui, avant la conquête, n'avaient pas connu le véritable régime municipal. Rome s'attacha à créer ce régime chez ses peuples, soit qu'elle ne crut pas possible de les gouverner autrement, soit que, pour les assimiler peu à peu aux populations italiennes, il fallut les faire passer par la même route que ces populations avaient suivie. De là vient que les empereurs, qui supprimaient toute vie politique à Rome, entretenaient avec soin les formes de la liberté municipale dans les provinces. Il se forma ainsi des cités en Gaule. Chacune d'elles eut son sénat, son corps aristocratique, ses magistratures électives. Chacune eut même son culte local, son génius, sa divinité Polyade, à l'image de ce qu'il y avait dans l'ancienne Grèce et l'ancienne Italie. Or, ce régime municipal qu'on établissait ainsi n'empêchait pas les hommes d'arriver à la cité romaine. Il les y préparait au contraire. Une hiérarchie habilement combinée entre ces villes marquait les degrés par lesquels elles devaient s'approcher insensiblement de Rome, pour s'assimiler enfin à elles. On distinguait premièrement les alliés, qui avaient un gouvernement et des lois propres, et nul lien de droit avec les citoyens romains. Deuxièmement, les colonies, qui jouissaient du droit civil des Romains, sans en avoir des droits politiques. Troisièmement, les villes de droit italique, c'est-à-dire celles à qui la faveur de Rome avait accordé le droit de propriété complète sur leurs terres. comme si ces terres eussent été en Italie. Quatrièmement, les villes de droit latin, c'est-à-dire celles dont les habitants pouvaient, suivant l'usage autrefois établi dans le Latium, devenir citoyens romains, après avoir exercé une magistrature municipale. Ces distinctions étaient si profondes qu'entre personnes de deux catégories différentes, il n'y avait ni mariage possible, ni aucune relation légale. Mais les empereurs eurent soin que les villes pussent s'élever à la longue et d'échelon en échelon, de la condition de sujet ou d'allié au droit italique, du droit italique au droit latin. Quand une ville en était arrivée là, ses principales familles devenaient romaines l'une après l'autre. La Grèce entra aussi peu à peu dans l'État romain. Chaque ville conserva d'abord les formes et les rouages du régime municipal. Au moment de la conquête, la Grèce s'était montrée désireuse de garder son autonomie. On la lui laissa, et plus longtemps peut-être qu'elle ne l'eût voulu. Au bout de peu de générations, elle aspira à se faire romaine. La vanité, l'ambition, l'intérêt y travaillèrent. Les Grecs n'avaient pas pour Rome cette haine que l'on porte ordinairement à un maître étranger. Ils l'admiraient, ils avaient pour elle de la vénération. De même, ils lui vouaient un culte et lui élevaient des temples comme à un dieu. Chaque ville oubliait sa divinité Polyade et adorait à sa place la déesse Rome et le dieu César. Les plus belles fêtes étaient pour eux, et les premiers magistrats n'avaient pas de fonction plus haute que celle de célébrer en grande pompe les Jeux Augustaux. Les hommes s'habituaient aussi à lever les yeux au-dessus de leur cité. Ils voyaient dans Rome la cité par excellence, la vraie patrie, le prytané de tous les peuples. La ville où l'on était né paraissait petite. Ses intérêts n'occupaient plus la pensée. Les honneurs qu'elle donnait ne satisfaisaient plus l'ambition. On ne s'estimait rien, si l'on n'était pas citoyen romain. Il est vrai que, sous les empereurs, ce titre ne conférait plus de droits politiques, mais il offrait de plus solides avantages, puisque l'homme qui en était revêtu acquérait en même temps le plein droit de propriété, le droit d'héritage, le droit de mariage, l'autorité paternelle et tout le droit privé de Rome. Les lois que chacun trouvait dans sa ville étaient des lois variables et sans fondement qui n'avaient qu'une valeur de tolérance. Le Romain les méprisait et le Grec lui-même les estimait peu. Pour avoir des lois fixes, reconnues de tous et vraiment saintes, il fallait avoir les lois romaines. On ne voit pas que ni la Grèce entière, ni même une ville grecque, ait formellement demandé ce droit de cité, si désiré. Mais les hommes travaillèrent individuellement à l'acquérir, et Rome s'y prêta d'assez bonne grâce. Les uns l'obtinrent de la faveur de l'empereur, d'autres l'achetèrent. On l'accorda à ceux qui donnaient 3 enfants à la société, ou qui servaient dans certains corps de l'armée. Quelquefois, il suffit pour l'obtenir d'avoir construit un navire de commerce d'un tonnage déterminé, ou d'avoir porté du blé à Rome. Un moyen facile et prompt de l'acquérir était de se vendre comme esclave à un citoyen romain, car l'affranchissement dans les formes légales conduisait au droit de cité. L'homme qui possédait le titre de citoyen romain ne faisait plus partie civilement ni politiquement de sa ville natale. Il pouvait continuer à l'habiter, mais il y était réputé étranger. Il n'était plus soumis aux lois de la ville, n'obéissait plus à ses magistrats, n'en supportait plus les charges pécuniaires. Il devenait un étranger à l'égard de sa famille même. Si elle n'avait pas comme lui le droit de cité, il n'héritait pas d'elle. C'était la conséquence du vieux principe qui ne permettait pas qu'un même homme appartînt à 2 cités à la fois. La Grèce avait depuis longtemps abandonné ce principe, mais Rome s'y tenait fidèlement. Il arriva naturellement qu'après quelques générations, il y eut dans chaque ville grecque un assez grand nombre d'hommes, et c'étaient ordinairement les plus riches qui ne reconnaissaient ni le gouvernement ni le droit de cette ville. Le régime municipal périt ainsi lentement et comme de mort naturelle. Il vint un jour où la cité fut un cadre qui ne renferma plus rien, où les lois locales ne s'appliquèrent presque plus à personne, où les juges municipaux n'eurent plus de justiciables. Enfin, quand 8 ou 10 générations eurent soupiré après le droit de cité romaine et que tout ce qui avait quelque valeur l'eut obtenu, alors parut un décret impérial qui l'accorda à tous les hommes libres sans distinction. Ce qui est étrange ici, c'est qu'on ne peut dire avec certitude ni la date de ce décret ni le nom du prince qui l'a porté. On en fait honneur avec quelque vraisemblance à Caracalla, c'est-à-dire à un prince qui n'eut jamais de vue bien élevée. Aussi ne lui attribue-t-on que comme une simple mesure fiscale. On ne rencontre guère dans l'histoire de décret plus important que celui-là. Il supprimait la distinction qui existait depuis la conquête romaine entre les peuples dominateurs et les peuples sujets. Il faisait même disparaître la distinction beaucoup plus vieille que la religion et le droit avaient marquée entre les cités. Cependant, les historiens de ce temps-là n'en ont pas pris note, et nous ne le connaissons que par de textes vagues, des jurisconsultes et une courte indication de Dion Cassius. On sait d'ailleurs par Spartien que Caracalla se faisait appeler Antonin dans les actes officiels. Dion Cassius dit que Caracalla donna à tous les habitants de l'Empire le droit de cité pour généraliser l'impôt du dixième sur les affranchissements et sur les successions. La distinction entre pérégrin, latin et citoyen n'a pas entièrement disparu. On la trouve encore dans Ulpien et dans le Code. Il parut en effet naturel que les esclaves affranchis ne devinssent pas aussitôt citoyens romains, mais passassent par tous les anciens échelons qui séparaient la servitude du droit de cité. On voit aussi, à certains indices, que la distinction entre les terres italiques et les terres provinciales subsista encore assez longtemps. Ainsi, la ville de Tyr, en Phénicie, encore après Caracalla, jouissait par privilège du droit italique. Le maintien de cette distinction s'explique par l'intérêt des empereurs, qui ne voulaient pas se priver des tributs que le sol provincial payait au fisc. Si le décret n'a pas frappé les contemporains et n'a pas été remarqué de ceux qui écrivaient alors l'histoire, c'est que le changement, dont il était l'expression légale, était achevé depuis longtemps. L'inégalité entre les citoyens et les sujets s'était affaiblie, à chaque génération, et s'était peu à peu effacée. Le décret put passer inaperçu, sous le voile d'une mesure fiscale. Il proclamait et faisait passer dans le domaine du droit ce qui était déjà un fait accompli. Le titre de citoyen commença alors à tomber en désuétude, ou s'il fut encore employé, ce fut pour désigner la condition d'homme libre opposée à celle d'esclave. À partir de ce temps-là, tout ce qui faisait partie de l'Empire romain, depuis l'Espagne jusqu'à l'Euphrate, forma véritablement un seul peuple et un seul État. La distinction des cités avait disparu. Celle des nations n'apparaissait encore que faiblement. Tous les habitants de cet immense empire étaient également romains. Le Gaulois abandonna son nom de Gaulois et prit avec empressement celui de Romain. Ainsi fit l'Espagnol, ainsi fit l'habitant de la Thrace ou de la Syrie. Il n'y eut plus qu'un seul nom, qu'une seule patrie, qu'un seul gouvernement, qu'un seul droit. On voit combien la cité romaine s'était développée d'âge en âge. À l'origine, elle n'avait contenu que des patriciens et des clients. Ensuite, la classe plébéienne y avait pénétré, puis les Latins, puis les Italiens. Enfin, vinrent les provinciaux. La conquête n'avait pas suffi à opérer ce grand changement. Il avait fallu la lente transformation des idées, les concessions prudentes mais non interrompues des empereurs, et l'empressement des intérêts individuels. Alors, toutes les cités disparurent peu à peu, et la cité romaine, la dernière debout, se transforma elle-même si bien qu'elle devint la réunion d'une douzaine de grands peuples sous un maître unique. Ainsi tomba le régime municipal. Il n'entre pas dans notre sujet de dire par quel système de gouvernement ce régime fut remplacé, ni de chercher si ce changement fut d'abord plus avantageux que funeste aux populations. Nous devons nous arrêter au moment où les vieilles formes sociales que l'Antiquité avait établies furent effacées pour jamais.